Bonjour les amis. Welcome to French Pod America. Et je m'appelle Amaury. Bonjour tout le monde. This is an elementary lesson called Either He's Sleeping or He's Dead. What can that be about? Well, let's set it up. We got two people. They're doing a little vacation adventure. We're not going to tell you where they are. Let's see if you can figure it out. What's something they're going to say? C'est inoubliable. It's unforgettable. Can you say it again? C'est inoubliable. C'est inoubliable. Mm-hmm. Okay, let's hear the dialogue three times, and then we'll come back and translate it. Dialogue, première écoute. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Monsieur, soit il dort, soit il est mort. Ah ! Dialogue, deuxième écoute. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Monsieur, soit il dort, soit il est mort. Dialogue, troisième écoute. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Monsieur, soit il dort, soit il est mort. Okay, we're back. Did you figure out where they were? Well, don't worry, because now you're going to find out for sure. Let's translate. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. It's the first time that I've flown in a helicopter. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. This is the first time that I'm flying in a helicopter. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. You're going to see, it's unforgettable. Tu vas voir, c'est inoubliable. You'll see, it's unforgettable. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. I have the impression that there's a problem with the motor. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. It seems like there's a problem with the motor. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Ask the pilot. Demande au pilote. Ask the pilot. Demande au pilote. Monsieur, soit il dort, soit il est mort. Sir, either he's sleeping or he's dead. Monsieur, soit il dort, soit il est mort. Mister, either he's sleeping or he's dead. Monsieur, soit il dort, soit il est mort. So this is obviously the first time that this guy experienced a helicopter ride. Mm-hmm. That's why they use the sentence, c'est la première fois que. Let's start the middle. First. Première. First time. Première fois. The first time. La première fois. Fois is feminine, so that's why we say la première fois. That's right. And c'est la première fois que. Gotta add that que there. So c'est la première fois que what? Je vole en hélicoptère. Okay, voler is the verb to fly. Yeah. And here, en hélicoptère. We use the word en. Yeah, like voler en avion. In a plane. Uh-huh. So those two, voler en hélicoptère and voler en avion. Uh-huh. If you notice, there's no article, you don't have to say. That's right, so, yeah. En avion, en hélicoptère is the expression. So the other person, though, must have done it before. She's like an expert. Right. Tu vas voir. Yeah, you'll see. Tu vas voir. Uh-huh. What? C'est inoubliable. Okay, that was our key phrase. So let's practice on the pronunciation of unforgettable. You can kind of split it with I, like it was a letter on its own. Okay. And then n'oubliable. I n'oubliable. Yeah. inoubliable. Ok. Mm-hmm. So, they must have heard some noise. C'est la première fois qu'elle vole en hélicoptère. Mm-hmm. So, you're always going to be a little bit, what's that noise? Hey! What is that? So, what did she say? J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Okay, let's start at the beginning of that one. J'ai l'impression que. Mm-hmm. You know, obviously the literal translation, I have the impression that. But also you can see it seems like, you know, I'm thinking, j'ai l'impression que. This is j'ai l'impression que what? Qu'il y a un problème. Right, because the que, it makes a contraction, qu'il y a un problème. Yeah, because it started with the vowel. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Houston, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Avec what? Avec le moteur. So, unfortunately, it's not just la première fois jitters en hélicoptère that she's saying this. He obviously hears it too. He can also say, yeah, j'ai l'impression que il y a un problème. Also, obviously there's some evidence to imply that she's not just being paranoid. Yes. So he says to her to do something about it. Maybe she's closer to le pilote. So he tells her, demande au pilote. So demander à somebody. We use a preposition in French. Say demander à somebody. Yeah, it has to be there. Right. So here, demander au pilote. Because the word pilote is masculine. Yeah. Even if it was a girl. Mm-hmm. So, demande au pilote. Hurry up, because... we're going down. Yeah, j'ai l'impression que we're going down. Yeah. Help. So, there she goes. Monsieur, monsieur. Mister, sir, monsieur le pilote. And obviously he doesn't answer her. No. Soit il dort, soit... il est mort. Okay, let's look at that. So we have soit, soit. Mm-hmm. That's how in French you say either or. That's right. There's just one word, you just say it twice. Mm-hmm. So for example, soit today, soit tomorrow, soit aujourd'hui, soit demain. Exactement. Soit voler en hélicoptère, soit voler en avion. Soit Tuesday, soit Wednesday. Soit toi, soit moi. Soit, there's two possibilities. The first one is he's sleeping. Soit il dort. And if he's not sleeping, then he's dead. Soit il est mort. Those are her two choices. Either one's pretty bad at this point, right? If the pilot was a girl, though, you would say... soit elle est morte. You would say morte. Because it's actually, it works like an adjective here. Okay, so soit il dort, soit il est mort. And then, I don't know what happens. Make your own assessments. No matter what, I would say this trip was definitely inoubliable. Yeah, she was right to say, tu vas voir. And c'est la première fois, and probably the last one too. Elle vole en hélicoptère, right? So, j'ai l'impression que it's time to do something. It just seems like it, I don't know. Soit we can go back and reanalyze this, or soit we can listen to the dialogue three more times. What do you think? J'ai l'impression que we should listen to the dialogue again. Okay, tu vas voir. It's a good idea. Good. Dialogue, première écoute. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Monsieur, monsieur, soit il dort, soit il est mort. Ah! Dialogue, deuxième écoute. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Monsieur, monsieur, soit il dort, soit il est mort. Ah! Dialogue, troisième écoute. C'est la première fois que je vole en hélicoptère. Tu vas voir, c'est inoubliable. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le moteur. Demande au pilote. Monsieur, monsieur, soit il dort, soit il est mort. Ah! Well, we learned kind of a lot of stuff today, different things. Yeah. Why don't we try to use all this vocabulary in different stories? Good idea. Vary it a little bit. Amri, j'ai l'impression que il y a un problème avec my computer. I'm so bummed out. Oh. And c'est la première fois que my computer is broken down. Demande au tech guy, Erika. Well, soit I'm too busy, soit I forget. Don't worry. Tu vas voir, he's really good. J'ai l'impression que he's gonna fix le problème quickly. Well, that's good. Mm-hmm. Soit you're right, soit I'm gonna have to buy a new computer. J'ai l'impression que I'm right. So, j'ai l'impression que soit we should finish, soit we should review. We should review, Erika. Okay, what if I wanted to say, it's the first time that... C'est la première fois que... And what does it mean if I say, c'est inoubliable? It means I will always remember it forever. Mm-hmm. What are two ways we learned today that you can fly? Voler en avion. Okay, or what about these guys? Voler en hélicoptère. Okay. Houston, there's a problem. Houston, il y a un problème. Avec what? Here, avec le moteur. And how do you say to ask someone? Well, you say demander à. Yeah, by the way, Erika, how is your goldfish? Il est mort. Thanks for reminding me, Amory. Oh. Well, I don't know. Soit il dort, soit il est mort. I'm not sure. Soit il est mort. Maybe. I'll have to go. You go check. Bon. All right, so... If you have any questions, there's a place you should definitely go check out, FrenchBot.com. Yeah. Especially if c'est la première fois and you've never been, mm-hmm. then you better go. There's all kinds of stuff there. There are study tools and other things you can use to learn a bit more outside the podcast. So, tu vas voir, c'est inoubliable. That's right, you'll see. So, au revoir. Au revoir.